a neigé au pays des orangers. Quelques flocons légers ont voltigé. Le chaud soleil, le vent les a mangés. Et les fleurs d'oranger n'ont pas bougé. Au pays des orangers, quelques flocons légers ont voltigé. Le doux vent du printemps les a mangés, et les fleurs d'oranger.